Bonjour à toutes, bonjour à tous. Champs-Élysées, le magazine audio qui vous raconte la France en CD et cassette depuis plus de 15 ans, est fier de vous proposer aujourd'hui un nouveau programme intitulé « Balade en France ». Balade en France vous invite à parcourir les routes nationales et départementales de l'Hexagone, à sortir des grands axes autoroutiers pour découvrir les charmes d'un pays au passé riche, chargé d'histoire. Vous le remarquerez, les visites touristiques sont directement liées à l'histoire de France. Comment parler de la Corse sans citer Napoléon? Comment visiter le château de Chambord sans évoquer François Ier? Tout au long de ce programme, je vous invite à parcourir en ma compagnie des milliers de kilomètres dans ce beau pays appelé la France, à découvrir son terroir, mais aussi les beautés des paysages, les merveilles de la nature, le charme de l'artisanat, la poésie des accents. Nous découvrirons la baie du Mont-Saint-Michel, la juridiction de Saint-Émilion, le marais de Grande-Brière, les grottes de Lascaux, la Corrèze et Brive-la-Gaillarde, la Corse surnommée île de beauté. En Bretagne, nous évoquerons les Celtes en parlant des alignements de Carnac. Nous nous promènerons sur les bords de la Saône et du Rhône à Lyon. Nous découvrirons l'artisanat des Hautes-Vosges. Nous grimperons sur les remparts de Carcassonne, nous escaladerons les ruelles de Saint-Paul-de-Vence, visiterons la fondation Magde, admirerons la faïence de Quimper. Dans le Val-de-Loire, nous irons à Chambord et au Festival des Jardins de Chaumont. Nous emprunterons la route Napoléon, nous visiterons la maison natale de Jeanne d'Arc à Doremy-la-Pucelle, nous découvrirons le charme discret du Nord-Pas-de-Calais. Et nous terminerons notre grande balade en visitant une dinanderie à Villedieu-les-Poêles. Alors suivez-moi. Grâce à Champs-Élysées, nous partons maintenant, pendant plus de 2 heures, à la découverte de sites légendaires et de régions parfois plus méconnues, mais tout aussi charmantes.